quelle est la décoration qui distingue ? Un jour, Julien revenait de la charmante terre de Villequier sur les bords de la Seine. Il trouva à l'hôtel la marquise et sa fille qui arrivaient d'hier. Julien était un dandy maintenant et comprenait l'art de vivre à Paris. Il fut d'une froideur parfaite envers Mademoiselle de La Mole. Mademoiselle de La Mole le trouva grandi et pâli. Sa taille, sa tournure n'avaient plus rien du provincial. Il n'en était pas ainsi de sa conversation, on y remarquait encore trop de sérieux. « Il manque de légèreté, mais non pas d'esprit, » dit Mademoiselle de La Mole à son père, en plaisantant avec lui sur la croix qu'il avait donnée à Julien. On annonça M. le duc de Retz. Mathilde se sentit saisie d'un bâillement irrésistible. « Et pourtant j'ai 19 ans, » pensait-elle. « C'est l'âge du bonheur, » disent tous ces nigauds à tranches dorées. Ses yeux si beaux, où respirait l'ennui le plus profond et, pis encore, le désespoir de trouver le plaisir, s'arrêtèrent sur Julien. Du moins, il n'était pas exactement comme un autre. « Monsieur Sorel, » dit-elle avec cette voix vive, brève et qui n'a rien de féminin, qu'emploient les jeunes femmes de la haute classe. « Monsieur Sorel, venez-vous ce soir au bal de Monsieur de Retz ?»« Mademoiselle, je n'ai pas eu l'honneur d'être présentée à Monsieur le Duc. » On eût dit que ces mots et ce titre écorchaient la bouche du provincial orgueilleux. Julien ne répondait pas. « Venez au bal avec mon frère, » ajouta-t-elle d'un ton fort sec. Julien salua avec respect. « Ainsi, même au milieu du bal, je dois des comptes à tous les membres de la famille. Ne suis-je pas payé comme homme d'affaires ?» Sa mauvaise humeur ajouta. « C'est une véritable cour de prince souverain. » « Que cette grande fille me déplaît !» pensa-t-il en regardant marcher Mademoiselle de La Mole. « Elle est encore plus pâle qu'avant son voyage. Quels cheveux sans couleur à force d'être blond. On dirait que le jour passe à travers. Quel geste de reine !» Mademoiselle de La Mole venait d'appeler son frère au moment où il quittait le salon. Le comte Norbert s'approcha de Julien. « Mon cher Sorel, lui dit-il, où voulez-vous que je vous prenne à minuit pour le bal de Monsieur de Retz ? Il m'a chargé expressément de vous amener. « Je sais bien à qui je dois tant de bonté, » répondit Julien en saluant jusqu'à terre. Sa mauvaise humeur se mit à s'exercer sur la réponse que lui, Julien, avait faite à ce mot obligeant. Il y trouvait une nuance de bassesse. Le soir, en arrivant au bal, il fut frappé de la magnificence de l'hôtel de Retz. La cour d'entrée était couverte d'une immense tente de coutil cramoisie avec des étoiles en or. Rien de plus élégant. Cet ensemble parut extraordinaire à notre provincial. Pour lui, il arriva séduit, admirant et presque timide à force d'émotion dans le premier des salons où l'on dansait. Comme il la cherchait des yeux, Mathilde le regarda. « Mon devoir m'appelle, » se dit Julien. Mais il n'y avait plus d'humeur que dans son expression. « Vous, monsieur, qui avez été ici tout l'hiver, » lui dit-elle, « n'est-il pas vrai que ce bal est le plus joli de la saison ?» Il ne répondait pas. « Je ne saurais être un bon juge, mademoiselle. Je passe ma vie à écrire. C'est le premier bal de cette magnificence que j'ai vu. » Les jeunes gens à moustache furent scandalisés. « Vous êtes un sage, monsieur Sorel, » reprit-on avec un intérêt plus marqué. « Vous voyez tous ces bals, toutes ces fêtes comme un philosophe, comme Jean-Jacques Rousseau. Ces folies vous étonnent sans vous séduire. »« Jean-Jacques Rousseau, » répondit-il, « n'est à mes yeux qu'un sot lorsqu'il s'avise de juger le grand monde. Il ne le comprenait pas et y portait le cœur d'un laquais parvenu. »« Il a fait le contrat social, » dit Mathilde du ton de la vénération. Elle était ivre de son savoir. L'œil de Julien resta pénétrant et sévère. Mathilde avait eu un moment d'enthousiasme. La froideur de son partenaire la déconcerta profondément. Elle fut d'autant plus étonnée que c'était elle qui avait coutume de produire cet effet sur les autres. Dans ce moment, le marquis de Croisenois s'avançait avec empressement vers Mademoiselle de La Mole. Il parvint à s'approcher et lui parlait, mais elle rêvait sans l'écouter. Elle suivait machinalement de l'œil Julien, qui s'était éloigné d'un air respectueux, mais fier et mécontent. Mais ni la danse, ni le désir de plaire à l'un des plus jolis hommes de la cour, rien ne put distraire Mathilde. Il était impossible de voir plus de succès. Elle était la reine du bal, elle le voyait, mais avec froideur. « Quelle vie effacée je vais passer avec un être tel que Croisenois !» se disait-elle. « Je suis belle. J'ai cet avantage pour lequel Madame de Staël eût tout sacrifié, et pourtant il est de fait que je meurs d'ennui. Y a-t-il une raison pour que je m'ennuie moins quand j'aurai changé mon nom pour celui du marquis de Croisenois ?»« Mais mon Dieu !» ajouta-t-elle presque avec l'envie de pleurer. « N'est-ce pas un homme parfait ? C'est le chef-d'œuvre de l'éducation de ce siècle. On ne peut le regarder sans qu'il trouve une chose aimable et même spirituelle à vous dire. Il est brave, mais ce seraient les singuliers, » se dit-elle. Et son œil quittait l'air morne pour l'air fâché. « Je l'ai averti que j'avais à lui parler, et il ne daigne pas reparaître. »